Quinzièmement, l'ange, pareil au lys que la candeur revêt, dit au vieillard: Écoute et vois, le juge est proche. Tu sais pourquoi tu viens et ce qu'on te reproche. Réponds. Lui se tourna vers l'ange en frissonnant, et je vis le spectacle horrible et surprenant d'un homme qui vieillit pendant qu'on le regarde. L'agonie éteignit sa prunelle hagarde, sa bouche bégaya, son jarret se rompit, ses cheveux blanchissaient sur son front décrépit, ses tempes se ridaient comme si les années s'étaient subitement sur sa face acharnée, ses yeux pleuraient, ses dents claquaient comme au gibet les genoux d'un squelette, et sa peau se plombait, et, stupide, il baissait, à chaque instant plus pâle, sa tête qu'écrasait la tiare papale. L'ange dit: Comprends-tu, vieillard, ce que tu vois?